Я не знаю русский, но я постараюсь сказать несколько слов. Меня зовут Кейси, я приехал из Канады. Я отдаю вам всю мою любовь. Это Дарья Маладиоже. Je fais un pas en arrière, flashback au secondaire. Je pense à ce que je pensais 6-7 ans en arrière. J'ai passé le primaire, secondaire, puis j'ai fait le sommaire. J'étais impair, jamais pair. Marginal bataille à 140, mes profs voyaient que du négatif en moi. J'étais le mouton noir dans les classes, les corridors d'or. Hey, on coupe pas dans les corridors, mon petit Chris. Mais aujourd'hui, j'écris mille fois plus qu'à l'école. Sauf que j'écris la vérité, pas des mentries qui décollent. Comme dans les livres d'histoire d'école. Qui parle jamais de mon peuple, mais plutôt Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Ben oui, pis moi j'suis débarqué au métro Longueuil pis j'ai découvert la rive sud. Peace food du coup, c'est pas tout. C'est liste important, intellectuel. L'écrit doit être deux fois plus important, donc essentiel. C'est liste intellectuel, l'écrit doit être essentiel. C'est liste intellectuel, l'écrit doit être essentiel. C'est liste intellectuel, l'écrit doit être essentiel. C'est liste intellectuelle, l'écrit était essentiel. Maintenant je l'ai plus que Bruce. Waouh oui, c'est pour ça que mes lectures Bruce. Pourquoi certains livres nous confusent? Je suis confus. Y a-t-il des manipulateurs d'informations de matière qu'à l'aide de menteries? Manipule les changes, circonstances, je pense que oui. Donc lis pas n'importe quoi, choisis tes auteurs. Y a trop de menteurs qui ont entre leurs ancêtres et leurs rations, c'est pour ça qu'ils changent les versions. Mais attention, paye d'attention, je dis pas l'école en général. L'école te forme une colonne vertébrale. C'est important pour tout le temps, t'as besoin de tes diplômes. Secondaire 5 minimum, ça donne de la méthode. J'y travaille, des chances de rencontrer, non. Excusez-moi, pack by, pas comme moi, sois toi. Anyway, après secondaire 5, tu verras. Cégep, université, travail, crime ou rime. Tu feras bien ce que tu voudras, mais pour l'instant. C'est liste intellectuelle, écrire de tête essentielle. C'est liste intellectuelle, écrire de tête essentielle. C'est liste intellectuelle, écrire de tête essentielle. C'est liste intellectuelle, écrire de tête essentielle. Si liste intellectuelle, le crédit est essentiel. Yo yo Casey, je me rappelle quand j'écoutais Rap City Pop Pop Love You Mom. Ça te dit quelque chose ça? On te voyait tout le temps avec ton DJ Shortcut. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas une base pour ton album? Si liste intellectuelle, l'écrit de tête essentielle. Si liste intellectuelle, l'écrit de tête essentielle. Si liste intellectuelle, l'écrit de tête essentielle. Si liste intellectuelle, l'écrit de tête essentielle. Food fight, la bouffe partout. Des hommes de bataille, c'était fou. Les filles qui, n'importe où. Je me souviens tout, surtout des profs qu'on a, c'était cool. Sauf quand la cloche te rushait par ton cours de français. Mais ça faisait partie de notre sort, Antoine Brassard, 84-85. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est bizarre. Par hasard, mon lâche l'école, un très bazar. Ça fait longtemps que je suis pas allé, mais ça a dû changer. Fait que je peux pas dire de rester. Fais ce que tu veux, d'école, école, joue le jeu. Seul toi, c'est ce que tu veux. Amen. Je me souviens de mon secondaire, pis à ceux qui faisaient tomber les cases. Le vendredi après-midi, pis qui ont cogné des profs. On était contre-off, mais malgré tout. Aujourd'hui, j'ai mon diplôme, pis ils m'ont suivi jusque dans ma tombe. Tout ça pour dire que c'est pas comment t'as ton diplôme qui compte. Mais c'est que tu l'ailles, sans faille, bye. Vous êtes toujours sur Dog Babylon 69.3 FM. On peut pas attendre que ça commence à se faire, enfin bref.